Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est reparti pour une session de disco funk. Et comme toujours, c'est la découverte qui ouvre notre émission. Odyssey and Company et son She is Perfect. Alors, pour le coup, j'ai quasiment rien trouvé sur ce groupe et pourtant, promis juré, j'y ai pas mal cherché. Ce que je sais, c'est qu'il s'est formé au début des années 80, qu'ils n'ont sorti que des singles et un des plus connus est It's On, que l'on écoutera cette année, promis. Et comme j'ai bien aimé leur morceau She is Perfect, eh bien, je voulais vous le faire découvrir. C'est parti! No compromise, I swear. She was perfect. Gadget, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Les 100 hits aujourd'hui vont consacrer un groupe français, Daft Punk et son Get Lucky. Depuis le triomphe du premier album Homework, les deux hommes au casque doré sont devenus des ambassadeurs de la French Touch. Thomas Bangalter connaît bien le disco car il est le fils du producteur de Ottawa et de Cuba, les Gibson Brothers. Gibson Brothers, bien sûr, qui est un groupe francophone. Daft Punk crée une musique innovante qui puise sa source dans le disco et le funk. Sur l'album Random Access Memories, Get Lucky est le hit incontournable et devient l'un des morceaux les plus représentatifs de la décennie. La chanson, elle a rien d'exceptionnel dans sa construction, si ce n'est que le groove est conduit par Nile Rodgers lui-même. Le chant est assuré par Pharrell Williams. La combinaison de tous ces talents est l'événement de l'année, si bien que la chanson va rafler de nombreux prix. Et comme vous êtes chanceux, oui oui, la voici. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Night to get some. We're up all night for Disco et Mr. Funk sur Fadjet. Pour la reprise, un titre étonnant. Dancing Queen d'ABBA, tout le monde connaît bien sûr. Mais la reprise de Carol Douglas, ça j'en doute. Le titre est paru en 1977 sur l'album Full Bloom. Par rapport à l'original, c'est juste un peu plus funky, mais sans vraiment une grande différence. Faites-vous votre avis. Le maxi, on y arrive. Narada Michael Walden a fait l'objet d'une découverte l'année passée, donc il a toute sa place dans le maxi. The Wheel Sang, paru en 1980 sur l'album Victory, qui est aussi le cinquième album du chanteur. On sent bien que ce titre est parfait pour le maxi, tellement il donne du rythme. Et comme notre ami est un excellent batteur, eh bien ça ne gâche rien du tout. Allez, bonne dégustation. We'll be right back. Et quelle pépite! George Benson, ça va ressembler à Give Me The Night en étant différent. Je m'explique. Inside Love est extrait de l'album In Your Eyes, paru en 1983. Le single va atteindre une modeste 57e place dans les hits, mais que voulez-vous, des titres deviennent des légendes beaucoup de temps après. Et puis, comment passer après l'immense Give Me The Night? Vous écouterez au début et tout au long de la chanson. On y a décelé le petit arrangement qui débute Give Me The Night. Comme quoi, quand c'est bon, on en profite. C'était en 1983 et ça donnait ça. toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.